grippé par la queue. Il a cloué au sol avec un pieu. Ta crise de l'âme m'a t'a coupé. Tu vas finir tout dégraissé. Chasseur de dragon, je l'écris dans mon CV. Chasseur de dragon, c'est un assis pour métier. Bon, le thème de cette vidéo, c'est les fifs. Fifs? C'est juste une vidéo de même. Ah! Inquiétez-vous pas, nous autres, on n'est pas homophobes, mais c'est juste que c'est une vidéo. On commence avec Evan. Fifs! Fifs, fifs, fifs, fifs, fifs, fifs, fifs! Fifs comme les autres qui chantent. Oui, oui, oui. On va faire un culotte. On va essayer de se plonger dans l'univers de gens différents et essayer de comprendre. Moi, je sais pas si c'est une blague, je sais pas s'ils sont... Je pense que c'est une blague, mais qui est pas drôle. On va l'écouter pendant un petit bout de temps, là. Elle dure quand même 4 minutes, là, puis le temps que Mathieu se pompe à bloc, là. Hein, Mathieu? Oh, ta gueule, petite pétage! Bon. Ouais. Devrait amener ça. Petite pétage, ça crie. Hein? Crise de pétage, ça suce-tu 50 cents, ça, les pétages? Tabarnak! Ils m'ont réveillé, calice de tabarnak! Chris de pétale! J'appelle pas ça des pétales, moi j'appelle ça des pétales! Chris! Parce que nous aussi de même qu'on appelle ça, ok? Pis de pétale! C'était Evan! Evan, j'ai bien gravé! Chris! Pitale, là, ils sont de la merde, c'est des pitales, là, c'est une calice de merde! Tabarnak de Chris! Ouais, calice! Les astis de pitales m'ont réveillé pis ils me cassent les oreilles, tabarnak! Et moi, ben, c'est ça, là. Moi, là, non, pas capable de les endurer, Chris, si c'est trop! Je suis écœuré, les astis de pitales, tu savais, de me mettre des bouchons dans les oreilles, esti! Tabarnak! Calice! Tabarnak de